facile et bien plus difficile s'adapter à la ville. S'adapter à la ville. Madagascar, Madagascar, nous étions si bien. Madagascar, Madagascar, en face de l'océan Indien. Mais ça n'a pas duré, le couple s'est disloqué. Madagascar, en face de l'océan Indien.